Le Centre brésilien d'études des études jetées a présenté le 25 avril, dans leur page internet, un écrit à l'éloge de la supériorité du régime sanitaire socialiste de la Corée, qui applique intégralement le système de soins médicaux gratuits pour tous.